حيوق اصحاب للرطورة على كورنيش. Appelle-moi en showcase, gros, ta soirée, je la pimpine. Corniche, allez, retourne-moi, je suis dans ma piscine. Fais pas ta belle, on tient la in-in. Bouffée de chaleur dans la rue, je fais mettre la clean-clean. Je suis avec Blanca à casa, c'est la dream team. Ça fume du tag, un pagaille, ça nous kill, Bill.